إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Je vais parler, inshallah, d'une pratique, d'un courant de pensée qui a fait beaucoup de mal à la communauté musulmane, qui a été l'une des principales causes de sa stagnation et de sa régression, l'une des principales causes de son sous-développement, à savoir l'imitation servile d'un savant ou d'un cheikh. C'est ce qu'on appelle le taqlid. Suivre un savant sans revenir à ses preuves, sans user de son intelligence, sans méditer, sans recourir au Coran et à la Sunna. Il n'y a pas plus grave, chers frères et chères sœurs, que d'exercer une pression psychologique, une censure idéologique sur un homme, que de l'empêcher d'user de son intelligence. Oui, au nom de l'islam, ce genre de pratique est utilisé, ça existe. Certains soufis, pas tous bien sûr, disent que le novice, ça c'est connu, que le novice, le mourid, et le novice, l'élève, le disciple, et le cheikh, que le novice doit se comporter devant le cheikh comme le mort entre les mains de celui qui le lave, lui céder tout, son corps, son cœur, son âme, son intelligence. Ce qui est connu dans certaines confréries, dans certaines sectes soufis, le novice prête serment au cheikh, l'engageant à faire tel dhikr, à se comporter de telle manière, à faire un rite bien déterminé, sous la menace que s'il rompt ce pacte, il va lui arriver tel et tel malheur. Ça existe, on le connaît. Et comme ils disent, les imprécations du shirk ne manquent jamais leur cible. Ça, c'est une sorte de censure, c'est une sorte de pression psychologique sur le musulman. Quand certains fuqaha des madhab, des écoles juridiques, je vais parler, inshallah, de ça. J'ai dit quand certains fuqaha disent que c'est que le fait de sortir d'un madhab, madhab hanafite, madhab malikite, madhab shafi'ite, madhab zahirite, madhab hanbalite, autre madhab, le fait de sortir d'un madhab est égarement, dalal, voire mécréance, kofar. C'est pas ça de la pression intellectuelle, c'est pas ça de la censure. Et pour protéger leur madhab, pour d'autres raisons, surtout dogmatiques, ils ont dit qu'il est interdit aux musulmans de méditer le Coran. Il n'est pas capable de déduire les enseignements du Coran. C'est un muqallid, ils lui ont collé le statut d'imitateur servile. Il est censé suivre aveuglément le savant. Seul le mujtahid, le savant mujtahid, c'est-à-dire qui a les éléments nécessaires pour déduire les lois du Coran, il a le droit de méditer le Coran. Je vais répondre, inshallah, je vais réfuter cette argutie fallacieuse. J'ai dit, c'est l'une des conséquences de l'imitation servile, à savoir l'interdiction aux gens de méditer le Coran. L'imitation servile, l'attachement inconditionnel à un madhab, l'arrêt du l'ijtihad, comme ils ont dit, parce qu'ils ont revendiqué l'arrêt du l'ijtihad à un moment, et ça je vais en parler, inshallah. Le manque de méditation du Coran, la censure, la pression intellectuelle, nous a donné la communauté que nous voyons aujourd'hui. Là, je parle de manière globale. Une communauté sous-développée, divisée, qui imite aveuglément les autres, qui n'use pas de son intelligence. Vous n'avez qu'à demander, chers frères, chers sœurs, aux musulmans qui vous entourent, les vieux, surtout ceux qui n'ont pas vécu vraiment ce nouvel éveil de l'islam. Dites-leur, quand ils les, surtout posez-leur des questions sur les rites qu'ils font chaque jour, comme par exemple les ablutions, la prière. Dites-leur la façon dont vous faisiez vos ablutions. Vous l'avez tiré d'où? Est-ce que du Coran et de la Sunna? Quelqu'un vous a appris? Quelqu'un vous a enseigné? Vous a appris les hadiths du prophète sallam? Il vous a dit, le prophète sallam a fait ses ablutions de telle manière et de telle manière. Il a prié de telle manière et de telle manière. Vous l'avez appris de cette façon? Ils vont dire, non, non. Nous l'avons appris. Nous avons vu les gens et les faire de cette manière. Ils les ont suivis. Voilà l'imitation servile. Voilà les conséquences de ce genre de pratique. À cause de leur manque de méditation du Coran, le manque de méditation de la Sunna et le fait qu'ils n'usent pas de leur esprit, de leur intelligence, ben ça nous a donné les rites de l'islam, comme par exemple la prière du vendredi, et tous les autres rites sont devenus monotones, c'est-à-dire juste un protocole qui se fait, et eux, c'est ce qu'on appelle l'islam traditionnel, et non pas l'islam qui est pratiqué par conviction, par amour d'Allah, et avec sincérité. Les gens entrent dans la mosquée le vendredi, ils écoutent, on les voit autour de nous, ils sont en train de somnoler. Quand l'imam fait sa prêche, ben, eux, ils sont en train de somnoler. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique. Il faut qu'ils assistent, point c'est tout, et ils partent chez eux. Mais ils ne méditent pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne méditent pas ce que dit l'imam. Et la lecture du Coran, au lieu d'accompagner cette lecture avec la méditation et la réflexion, non. C'est devenu une récitation collective. Il psalmodie les versets bêtement, sans réfléchir. Et pire encore, cette imitation servile nous a donné une communauté qui récite le Coran dans des occasions comme ils attendent que quelqu'un meure pour réciter sur sa tête le Coran. Ils le récitent par exemple dans le cimetière. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce Coran pour donner la vie aux hommes. Et eux, ils vont chez les morts et ils leur récitent le Coran. Il leur récite soi-disant la sourate Yassine, alors que dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit subhanahu wa ta'ala, « In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin li yunzira man kana hayyan wa yahaqqa al-qawlu ala al-kafirin. » Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est adressé aux vivants. Il a dit le message qu'il apporte, renvoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il apporte est un rappel et un Coran explicite. Il est à notre disposition, il est à notre portée, il est explicite et il est clair. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Le message qu'il apporte est un rappel et un Coran explicite. Visons à avertir ceux qui sont vivants et que l'arrêt divin prenne effet contre le kafirin. Contre les mécréants. Donc, ce Coran, il vise à avertir ceux qui sont vivants. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils avertissent ceux qui sont morts. Il vient réciter le Coran sur un mort. Il dit, « Ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam »« Oh, vous qui croyez, il vous a été prescrit de faire le jeûne. » Il s'adresse à un mort. Un mort qui va jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ce Coran est adressé aux vivants. Et ils ont inversé ce verset-là et ils récitent le Coran sur les morts et sur les tombes. Retenez une chose, chers frères. C'est que la voix d'Allah est large. Réduire la voix d'Allah à un savant ou un fondateur d'un madhab, d'une école juridique ou un cheikh ou à une voix spirituelle déterminée, tariqa, sofia, et astreindre les musulmans à ces sentiers étroits sans se poser de questions, c'est réduire la miséricorde d'Allah. Retenez autre chose. Le Coran est la parole d'Allah dans ses lettres, ses sens et ses lois. Un attribut et non pas une créature. Allah l'a fait descendre de science sûre. Il l'a fait descendre de science sûre. Lakin Allahu yashhadu. بما أنزل إليك أنزله بعلمه. الله دي C'est Allah lui-même qui témoigne de son fonction, de quoi il a fait descendre la révélation vers toi. Il l'a fait descendre de science sûre. Or, la parole d'Allah et sa science ne s'épuisent jamais. Les textes de révélation, la parole c'est un attribut d'Allah. La science est un attribut d'Allah, donc il ne s'épuise jamais. Les textes de révélation, le Coran et la Sunna, Sunna qui est la deuxième révélation, ne s'épuise jamais. Le Coran et la Sunna contiennent des sources intarissables. Les compagnons, comme Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Amr, Ali, Aisha, Zayd ibn Thabit et d'autres, ils en ont fait jaillir quelques-unes. Ils en ont extrait, déduit des ahkam. Les tabi'in, ils ont fait jaillir quelques sources aussi, comme Saïd ibn al-Musayyib, Urwa ibn al-Zubayr, Ata ibn Abi Rabah, Tawus, Mujahid, Al-Qasim ibn Muhammad, Kharijat ibn Zayd, Sulayman ibn Yasar, etc. Ibn Shihab al-Zuhri, Amr ibn Dirar, Ikrima, Saïd ibn Jubayr, etc. Ils ont fait jaillir quelques-unes de ces sources. Ensuite, leurs successeurs, Les fondateurs des écoles, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, et les autres fondateurs d'écoles, tels que Ishaq ibn Rahawai, Al-Tabari, Al-Awza'i, Al-Layth ibn Sa'd, ils ont fait jaillir quelques sources. Et la liste continue, génération après génération, jusqu'à aujourd'hui. Les savants ne cessent de faire jaillir de nouvelles sources. Donc, la révélation est là, elle a un potentiel énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au bout de chaque siècle, Allah envoie à cette communauté des hommes qui rénovent pour elle sa religion. Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sana ma yujaddidu laha dinaha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, vous êtes la meilleure communauté qui ait été suscitée pour les hommes. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Et là, je corrige une idée répandue sur l'islam. À savoir que l'islam, bon, ils le disent, on le lit souvent, ils disent l'islam est valable pour toutes les époques. L'islam peut s'adapter à n'importe quelle société et génération. Là, je corrige cette idée. Et je dis, l'islam réforme toutes les sociétés. Il a un rôle positif, transcendant. Il réforme toutes les sociétés, quelle que soit leur époque. Il est laysa salih, on dit pas, il n'est pas seulement salih, mais il est moslih, il est réformateur. Il est réformateur. Et pour progresser, pour que nous progressions, nous ne pouvons pas, bien sûr, nous passer des œuvres de nos pieux prédécesseurs. Ils nous ont légué un patrimoine culturel, religieux, réformateurs. Ils nous ont facilité la voie pour évoluer. Et c'est une erreur de rejeter leurs œuvres. Certains frères, qu'Allah leur pardonne, ils disent qu'il faut rejeter tous les madhaïb, qu'il faut rejeter toutes les écoles juridiques, rejeter toutes leurs œuvres. Et ils rétrécissent la voie, le minhaj, ils rétrécissent la voie du salaf. Ils le rétrécissent. Dès que quelqu'un fait un acte qui n'est pas conforme à la voie que leur cheikh a tracée, ils le taxent de mubtadi', d'innovateur. Ils ont condamné l'attachement inconditionnel au madhab et à l'adhésion à madhab, et ils sont tombés dans la même erreur, parce que finalement, quand ils donnent des arguments, ils reviennent à leur cheikh, ils ne sortent pas de ses paroles. Donc attention de tomber dans ce piège-là, parce que certains sont allés dans l'extrême, obliger les gens à suivre un madhab, et les autres ils ont répliqué et ils ont dit il faut rejeter tous les madhab. Inch'Allah, je vais parler de ça Inch'Allah, dans les prochaines doros. Bon, ce que je vais faire, j'ai marqué des points sur les doros que je vais faire. c'est-à-dire les points principaux, considérés comme des titres. Les dross que je vais faire sur le taqlid, sur la conformité, sur l'imitation servile, un madhhab ou un savant, les points de ces dross, les points de cet exposé, inshallah, sont la conformité à la voie. Je vais parler de ça. La conformité à la voie d'Allah est inscrite dans la prime nature de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est prédisposé naturellement à suivre la voie d'Allah et non pas à imiter aveuglément les gens. Ça, c'est un point. C'est-à-dire, je vais revenir à l'origine de l'homme, sa nature originelle. Est-ce qu'il est prédisposé à être un muqallid ou quelqu'un qui suit la voie d'Allah? Je vais citer les preuves dans le Coran qui condamnent l'imitation servile, taqlid, manboud, condamnable. Et je vais aussi parler comme troisième point de l'appel d'Allah des gens sans exception à méditer le Coran et à user de leur intelligence. Comme autre point, le musulman est tenu d'obéir à Allah et à son envoyé. Je vais donner certains exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne faut pas suivre aveuglément quelqu'un. Je vais donner certains aperçus historiques, inshallah, pour comprendre tout cela. Comment est née l'imitation servile? Je vais parler de l'apparition des madahib, les écoles juridiques. Je vais parler plus particulièrement des quatre madhhab aperçus sur chaque madhhab, ses savants, ses dalils, ses sources de législation et ses références. Et comme autre point, je vais poser comme question, je vais répondre à cette question, est-ce que les imams des madhhab ont ordonné aux gens de les suivre aveuglément? Est-ce que ces imams-là ont cerné tous les hadiths, toute la sunna? Je parlais ici du témoignage de chaque imam. Je vais donner des exemples, inshallah, où chacun des imams a donné un avis contraire à la sunna, sans le vouloir, bien sûr. Et comme autre point, l'apparition de l'attachement inconditionnel au madhhab, c'est ce qu'on appelle ta'assub al-madhhabi. Quand est-ce qu'il est apparu, hein? La division que cela a causée et la revendication de l'arrêt de l'ijtihad. Comme autre point, les shubuhats, les arguties fallacieuses des muqallidines et leur réfutation, certaines de leurs contradictions. Je vais donner un aperçu, inshallah, de l'aqida, de la profession de foi de chacun des quatre imams, qui est bien sûr celle des salafs, des pieux prédécesseurs. Comme ça, vous aurez une idée de l'école d'un madhhab. Le madhhab, c'est une école. Il a un fondateur, il a un directeur, il a ce qu'on appelle muhaqqiq, muharrir, les élèves, des bons élèves, les mauvais élèves, les récalcitrants, etc., etc. Et le madhhab, il a évolué depuis l'apparition des premiers madhhab jusqu'ici, ça fait 12 siècles, ou même plus, 13 siècles. Le madhhab, il y a des choses qui se sont introduites dans ce madhhab-là. Et il y a une différence entre le madhhab personnel du fondateur, de Abu Hanifa ou l'imam Ahmed, Shafi'i Malik, et le madhhab al-mu'tabar, c'est-à-dire le madhhab qui est tenu en considération. Il y a une différence. Je vais parler d'un point très important, l'apparition de la théologie dogmatique, d'inspiration philosophique. Cette chose va surprendre certains, mais il a fait beaucoup de mal à notre jurisprudence. Il a beaucoup contaminé ce qu'on appelle les principes de droit, usul fiqh, et notre aqida aussi, le mu'tazilisme et d'autres sectes qui ont introduit des choses étrangères à notre jurisprudence. Je vais parler de ce qu'on appelle ilm al-kalam. C'est ça ce qu'on appelle ilm al-kalam, c'est-à-dire la théologie dogmatique d'inspiration hellénistique, philosophique, qui s'inspire de la philosophie grecque. Il a corrompu notre aqida et continue de le corrompre d'ailleurs. J'ai parlé de ce point, les effets néfastes de celle-ci sur le fiqh. Vous savez que beaucoup de sectes s'inspire de la philosophie. Il y a beaucoup de choses philosophiques qui existent dans notre jurisprudence. Et là, je vais aussi parler des innovations blâmables que le ilm al-kalam, que cette théologie dogmatique d'inspiration philosophique a engendré, à savoir, bon, je vais donner un exemple, à savoir que le fiqh est conjectural, yani mabni ala dhan, le fiqh fait l'objet de présomptions, dhanni. La distinction entre les hadiths ahad, hadith et les hadiths mutawatir, c'est-à-dire les hadiths rapportés selon des chaînes multiples de rapporteurs. Et les hadiths ahad sont en deçà, sont inférieurs, c'est-à-dire hadith à rapporter selon une, deux, trois chaînes, même plus selon certains usuli muhaddith. Donc la distinction entre les hadiths ahad rapportés selon un rapporteur, deux rapporteurs, trois rapporteurs, et les hadiths mutawatir, c'est les hadiths qui sont rapportés selon des chaînes multiples de rapporteurs. Je parlais aussi du sens propre, du sens figuré, l'haqiqa ou al-majaz. Je parlais du ta'wil, parce que tout ça, ce sont des choses qui ont. Ce sont les conséquences de cette influence de la philosophie sur notre fiqh. Je parlais aussi, bi'idhnillah, de la position des quatre imams vis-à-vis de cette science, à savoir ilm al-kalam, la science qui est d'inspiration philosophique. Et bien sûr, ces imams n'étaient ni mu'tazilites ni ash'arites, ça c'est venu après, bien sûr. Ils étaient sur la voie des gens de la sunna et de la jama'a, la voie des compagnons et des tabi'in, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, comme autre point, le musulman est-il tenu de suivre un madhhab particulier? Est-il au moins permis de suivre un madhhab? Ça, je vais répondre, inshallah. Qu'Allah daigne m'aider pour répondre, donner les bonnes réponses à sa question. Et comme autre point, le fait de suivre les tolérances et les licences des savants et les licences des madhhabs, parce que bon, le taqlid, l'imitation aveugle et l'attachement inconditionnel au madhhab, il implique, il mène, il fraye un chemin, nous renvoie à la question de la rukhsa, de la tolérance et de la licence. Bon, comme autre point, les excuses qu'avancent ceux qui suivent les tolérances et leurs réfutations. Est-ce que les savants disent à propos des licences? Et est-ce que la divergence d'opinion entre les savants, entre les madahib, est une miséricorde? Cette matière, je l'avoue, elle est consistante. Bon, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donner à mes frères un aperçu sur les principes de droit. C'est vrai que cette matière, elle est assez consistante et certains frères auront du mal à suivre, mais qu'ils prennent patience. Je vais essayer de faciliter, de simplifier, de donner des exemples, comme ça les frères ne se perdent pas. Hein? Et il n'est pas essentiel qu'on comprenne tout. Hein? Bon, je vais donner un aperçu sur Usul Fiqh et vous allez comprendre pourquoi. Usul Fiqh, il y a un problème que j'ai constaté chez certains frères, c'est que quand ils discutent d'un point, quand on discute d'un point de religion, quand on veut connaître un statut ou quelque chose comme ça, il faut toujours ramener ce point de religion à sa source, faire ce qu'on appelle ta'sil. Faut savoir de quoi parler. De quoi on parle? Là, on parle du taqlid, l'imitation servile. Hein? Le taqlid. Quelle est la discipline? Quelle est la science qui traite ce sujet-là? Quelle est la science qui traite, qui étudie le problème de l'imitation, du muqallid? Cette science, c'est les principes de droit. Usul fiqh. C'est Usul fiqh qui s'intéresse au muqallid. Vous savez que les sciences, Usul fiqh, le tafsir, l'aqida, maqasid shari'a, tout ça, ce sont des disciplines, n'est-ce pas, de la religion. des disciplines, des sciences, de la religion, ils sont apparus après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont apparus plus tard. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas besoin de ces sciences-là. Ils puisaient leur ahkam du prophète, de la niche prophétique, directement de la révélation. Ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils connaissaient la langue arabe, c'est-à-dire ils parlaient spontanément la langue arabe avec ses règles et tout. D'accord ? Donc les compagnons n'avaient pas besoin de ces disciplines, ce n'est qu'après que nous, que pour mettre à notre portée la science religieuse, la religion, que les savants classifiaient ces sciences-là, ils ont élaboré ces sciences-là, ils ont mis des mots techniques, etc. Ils ont systématisé chaque science pour que nous comprenions chaque point de religion, n'est-ce pas ? Eux, par exemple, n'avaient pas besoin du ilm al-hadith, n'avaient pas besoin de la science de l'isnad. Isnad, c'est-à-dire la question des rapporteurs, que tel rapporteur il est honorable, qu'il est récusé, etc. Ils n'avaient pas besoin d'isnad, de chaîne de rapporteurs, puisqu'ils rapportaient le hadith directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que plus tard, quand il y a eu le conflit, les troubles, que les détracteurs se mettent à mentir sur le compte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à inventer des faux hadiths, que là, les savants ont intervenu et créèrent la science de l'isnad, la science qui étudie la chaîne de transmission du hadith, l'examen des qualités des transmetteurs et des narrateurs, ceux qui sont honorables et dignes de foi, ceux qui méritent d'être récusés, rejetés. C'est ce qu'on appelle la science de jarh wa ta'dil. C'est une science qui est apparue plus tard. Eux, ils n'avaient pas besoin de ça. D'accord ? Donc, pour protéger le hadith des mensonges, des fichiers entiers furent établis pour chaque transmetteur du hadith. Comme Sir A'lam al-Nubala, Tahdhib al-Kamal, Tahdhib al-Tahdhib, etc. Des grands savants. Ils ont dénoncé ceux qui mentent sur le compte du Prophète, comme a dit Ibn Sirin. Ibn Sirin, c'est le tabi'i qui a rapporté beaucoup de hadiths, qui était, si vous voulez, l'élève, le disciple de Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Ibn Sirin, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons, ne posez pas de questions sur la chaîne des rapporteurs, sur l'isnad. Quand le trouble éclata, ils se mirent à examiner l'isnad. L'isnad, ça veut dire la chaîne de transmission. Et à prendre les hadiths des gens de la sunna, rejeter les hadiths des gens de l'innovation. D'accord ? Ils n'avaient pas besoin, les compagnons n'avaient pas besoin des règles de la langue arabe. Compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de lui dire que le mubtada il est marfou', etc. Donc, parce qu'il parlait spontanément la langue arabe. Ce n'est qu'après, quand l'islam s'est répandu, quand la terre du califat s'est étendue, que les musulmans se sont mélangés les Arabes, si vous voulez, se sont mélangés avec les non-Arabes, ils se sont mariés avec eux. Et là, des noms étrangers commençaient à contaminer la langue arabe. Et là, le besoin s'est fait sentir pour que des savants apparaissent, pour que des savants élaborent la science qu'on appelle l'ilm al-nahou. D'accord ? Que le Kisa'i, le premier c'était le Farahidi, Sibawayh, le Kisa'i, tout, qu'ils ont fait sortir les règles de la grammaire pour protéger la langue arabe. Donc toutes ces sciences, leur but c'était de protéger la religion. D'accord ? Quand les musulmans se sont mélangés avec les arabes, se sont mélangés avec les non-arabes, on ne pouvait plus déduire. Par exemple, certains ahkam, les gens ne comprennent pas, par exemple, le texte, est-ce qu'il est général ou est-ce qu'il est restrictif, est-ce qu'il est à portée absolue, est-ce que l'ordre implique l'obligation, etc. Bon, les gens ont perdu ces significations-là. Donc là est intervenue la science des usul al-fiqh, des principes de droit. Alors, la science qui traite de ce sujet, à savoir l'imitation d'un savant, le taqlid, est la science des usul fiqh, comme j'ai dit. Usul fiqh sont les fondements du droit, ou les principes du droit, ou la méthodologie du droit. C'est une science qui s'intéresse aux arguments globaux. Usul fiqh, c'est la charpente du fiqh. Elle est comme la logique. Le usuli, c'est-à-dire le alim al-usul, le spécialiste dans les principes du droit, il s'intéresse aux preuves globales. Et le faqih, il s'intéresse aux preuves, aux détails. Donc le usuli, il établit les règles générales qui permettent de déduire les lois des textes. D'accord? Si vous voulez, le usuli est la théorie et le fiqh, c'est la pratique. Par exemple, quand Allah il dit, oh vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue de faire la prière, lavez votre visage et vos mains jusqu'au coude, ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Au soli, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette phrase est une phrase conditionnelle. Oh vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue de faire la prière, lavez votre visage et vos mains jusqu'au coude. Ya ayyuhalladhina amanu. Il dit cette phrase est une phrase conditionnelle. Et il en déduit quoi? Il en déduit que la purification est une condition de la validité de la prière. Lorsque vous vous levez en vue de faire la prière, lavez votre visage. Il déduit que la purification est une condition de la validité de la prière. Le faqih, il rentre dans les détails, à savoir est-ce que le rinçage de la bouche fait partie du lavage du visage, le fait de curer l'espace entre les orteils, quand on lave les pieds, etc. Il rentre dans les détails. Quand Allah dit Fankihu ma taba lakum minan nisa, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes, épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes. Le Osoli, celui qui est spécialiste dans les droits, dans les fondements du droit, il examine si cette phrase est une phrase impérative, si c'est un ordre, si c'est une recommandation de se marier, si c'est une permission de se marier. Et le faqih, il rentre dans les détails. Il déduit du verbe ce qui vous plaira. Ma taaba lakum minan nisa, il déduit de ce verbe qu'il faut choisir la femme qui nous convient, qu'il nous est permis de la regarder, etc. D'accord? Donc, le Osoli te dit si tel texte est général ou particulier, abrogeant ou abrogé, l'épreuve générale, vous allez voir dans les chapitres, dans les livres des Osul Fiqh, il parle de la langue arabe au début, parce que la langue arabe, c'est la base de la compréhension des textes. Donc, il dit, bon, dans les livres des Osul Fiqh, il y a par exemple, parle de langue arabe, du Coran. De la sunna, l'ijma, le qiyas et les autres arguments généraux. Et il parle aussi des conditions que doit remplir le mujtahid, etc. Ça, ce sont les chapitres que traite le Osoli. Dans les livres du fiqh, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le chapitre sur la purification, les récipients, les ablutions, ce qui annule les ablutions, la prière, l'adhan, la qibla, etc. Le jeûne, la zakat, le nisab, le minimum imposable, etc., etc. La vente, le pèlerinage. Donc, il rentre dans les détails. Alors, je vais définir, parce que c'est très important de connaître, je donne au moins un aperçu sur Usul Fiqh, pour que vous ayez déjà une idée et qui vous préparera au reste des leçons. Parce que je vais parler beaucoup de Usul Fiqh, c'est vrai que cette série de leçons sont consistantes, elles comportent beaucoup de choses. L'aqida, elles comportent le fiqh, Usul Fiqh et beaucoup de les madhahib, un peu d'aperçu historique. Et là, je vous donne au moins un aperçu sur Usul Fiqh. Mais je préfère vraiment que vous preniez un stylo et un papier que vous marquez. Bon, la science des Usul Fiqh, ou la méthodologie juridique, est une science. Voilà, je vais le définir, c'est bon? Est une science qui étudie la manière de déduire les ahkam Je dis ahkam parce que ahkam, ce sont les qualifications juridiques, ce sont les statuts, les injonctions, etc. Donc, c'est une science qui étudie la manière de déduire les ahkam, et vous mettez ahkam entre parenthèses les statuts, les qualifications juridiques, vous allez comprendre, Charles, les injonctions et tout. Ces ahkams-là, déduire ces ahkams de quoi? Des arguments scripturaires, c'est-à-dire des arguments de la révélation. Donc, il étudie la manière de déduire une loi, une qualification juridique, un statut juridique d'un texte de révélation. C'est bon? Alors, nous allons décortiquer cette phrase. C'est bon? Nous avons ici combien d'éléments? Nous avons combien d'éléments dans cette phrase? Quatre. Vous marquez quatre. Quatre éléments, quatre axes ou quatre pôles. Le premier axe, nous avons le hukm, le statut, le hukm. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le deuxième axe, c'est l'argument, le dalil. Alors le hukm, c'est quoi? C'est le fruit. On peut assimiler ça à un arbre. Le hukm, c'est le fruit. Le deuxième axe, bon, l'argument, c'est le dalil, c'est l'arbre, c'est l'élément qui produit ce fruit. Le troisième axe, c'est quoi? C'est comment l'argument désigne ce hukm. Comment l'argument, le texte, le verset du Coran, le hadith, implique ou désigne ce hukm-là. C'est cette relation, ce lien entre le texte et le hukm. Et le quatrième axe, c'est l'auteur de la déduction. L'auteur qui procède à cette déduction, qui raisonne. D'accord? Donc, quatre éléments vous marquez. Le premier, c'est le hukm, le fruit. Le deuxième, c'est l'argument, c'est l'arbre qui produit ce fruit. Le troisième, c'est la déduction du hukm du dalil, du texte. C'est comment on tire, on cueille, la manière de cueillir ce fruit de l'arbre. Et le quatrième, c'est l'agriculteur, c'est l'auteur de la déduction, la personne qui est capable de faire cette déduction. D'accord? Alors, le hukm, c'est bon? Alors, ça, on va parler du hukm. Le premier axe, le fruit. Le hukm, vous mettez trois flèches. Alors, il a une réalité en lui-même. Le hukm a une définition, nous allons le définir. Et il a une classification, nous allons lui donner une classification. Et il a un rapport avec quelque chose. C'est bon? Alors, la définition du hukm, c'est quoi? C'est ce en quoi consiste le discours d'Allah concernant l'acte du serviteur. Iqtida' al-khitab al-muta'allaq bi a'mal al-mukallafin. C'est ce en quoi consiste le discours d'Allah concernant l'acte du serviteur. En tant qu'homme, nanti d'une responsabilité légale, pleine et entière. Je vais expliquer, Inch'Allah. Donc, le hukm, c'est ce qu'implique le discours d'Allah. Le discours d'Allah, c'est un verset du Coran ou un hadith authentique. C'est ce qu'implique le discours d'Allah. Concernant quoi? Ce discours concerne quoi? Il concerne l'acte fi'l. Il concerne l'acte de l'assujetti. L'acte de celui qui est assujetti aux lois. C'est-à-dire, le texte adressé à l'homme, à l'acte de l'homme qui est nanti d'une responsabilité légale, pleine et entière. Donc, ils sont exclus du discours d'Allah ici. Qu'est-ce qui est exclu? Il est exclu du discours d'Allah concernant sa propre essence. Quand Allah il parle de lui-même, alors là, ce n'est pas une question qui concerne les usul fiqh, ce n'est pas une question qui concerne le hukm, selon la nomenclature des usuli. Quand Allah il dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah, en toute équité, témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est lui. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Imran. Là, c'est un texte qui s'adresse aux actes des assujettis, aux actes de l'homme, non. Donc, ce texte-là, il est exclu de cette définition. Et le discours d'Allah adressé au corps inanimé, quand Allah il dit وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء il fut dit ô terre absorbe tes eaux et toi ciel arrête tes pluies. Il s'adresse à quoi? Il s'adresse aux hommes? Il s'adresse aux actes des hommes? Non, il s'adresse à des corps inanimés. Donc ce discours-là, il n'a rien à voir avec la définition du hukm. Il ne concerne pas le hukm. Le statut juridique, l'injonction, il s'adresse aux il concerne les actes des hommes. C'est bon? Alors, là j'ai donné la définition. Avec le temps, vous allez comprendre, Inch'Allah. Alors, j'ai donné la définition. La deuxième flèche, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans la deuxième flèche? La classification. La classification. Alors, le hukm se divise en deux. Vous allez bifurquer là, vous allez sortir deux flèches. Il y a ce qu'on appelle le hukm injonctif, hukm taklifi, et il y a ce qu'on appelle le hukm wad'i. Le hukm wad'i. Je vais expliquer le hukm taklifi et je vais expliquer le hukm wad'i. C'est pour cela, je vous dis qu'il vaut mieux prendre un stylo, un papier et marquer. Parce que c'est très important. Donc, hukm injonctif, hukm taklifi et hukm wad'i, hukm arrêté et posé. Hukm injonctif. Injonction, c'est-à-dire ordre, enjoint. Le verbe enjoindre, enjoindre de faire quelque chose. Taklifi, vous mettez cinq flèches. C'est bon? Alors, cinq flèches. La première flèche, c'est quoi? L'obligatoire. L'oujoub. C'est bon? L'oujoub. L'obligatoire. Il s'appelle aussi Fard ou Farida, avec une certaine différence, bien sûr, entre les Jumhur, la plupart des savants, et les Hanafites sur la définition du Farida. Mais, comprenez une chose, que Hukm injonctif, Hukm taklifi, sa classification, parmi les Ahkam taklifiya, les Ahkam injonctifs, il y a ce qu'on appelle le Wujub, l'obligatoire. C'est ce que la loi, la charia, le shara, enjoint de faire ou impose. C'est bon? C'est ce que la loi enjoint de faire ou impose. Ça, c'est l'obligatoire, c'est le wujub. Ou en d'autres termes, celui qui le fait par soumission à Allah est récompensé, et celui qui ne le fait pas mérite le châtiment. Et je ne dis pas que celui qui le fait est récompensé, et celui qui ne le fait pas est châtié. Je dis celui qui le fait par soumission à Allah, à la différence de celui qui le fait par hypocrisie ou il le fait par habitude, celui qui le fait, le wajib, celui qui le fait par soumission à Allah est récompensé, et celui qui ne le fait pas mérite le châtiment, et je ne dis pas qu'il sera châtié, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah est large, il peut faire d'autres actes qui peuvent expier son manquement. Je répète, le wajib, celui qui le fait par soumission à Allah est récompensé, et celui qui ne le fait pas mérite le châtiment. Exemple, pour illustrer ça. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa aqimu salata wa atu zakat » « Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. » Donc, qu'est-ce que je déduis de ce verset-là? L'obligation d'accomplir la prière et l'obligation d'acquitter l'aumône, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un exemple de l'obligatoire. Alors, hukm injonctif, cinq flèches. La première flèche, bon, l'obligatoire, wujub. La deuxième flèche, c'est quoi? Le recommandé. C'est ce qu'on appelle al-mandoub. C'est ce que la loi prescrit sans l'imposer. C'est bon? Ou en d'autres termes, celui qui le fait par soumission est récompensé, et celui qui ne le fait pas n'encourt aucun châtiment. C'est bon? Le recommandé, celui qui le fait par soumission est récompensé, et celui qui ne le fait pas n'encourt aucun châtiment. L'exemple, bon, je vais le donner, Inch'Allah, dans le deuxième dars. بإذن الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك